Chapitre 2. Dans la solitude, tous ces événements se retracèrent à mon esprit avec une lucidité effrayante. La vieille, me dis-je, est cause de tout. Elle seule a médité ses crimes, elle les a consommés. Mais par quels moyens ? A-t-elle eu recours à la ruse ou bien à l'intervention des puissances invisibles ? Je me promenais dans mon réduit, une voix intérieure me criait. Ce n'est pas en vain que le ciel t'a permis de voir Fledermaus contempler l'agonie de sa victime. Ce n'est pas en vain que l'âme du pauvre jeune homme est venue t'éveiller sous la forme d'un papillon de nuit. Non, ce n'est pas en vain. Christian, le ciel t'impose une mission terrible. Si tu ne l'accomplis pas, crains de tomber toi-même dans les filets de la vieille. Peut-être en ce moment prépare-t-elle déjà sa toile dans l'ombre. Durant plusieurs jours, ces images affreuses me poursuivirent sans trêve. J'en perdais le sommeil, il m'était impossible de rien faire. Le pinceau me tombait de la main, et, chose atroce à dire, je me surprenais quelquefois à considérer la tringle avec complaisance. Enfin, n'y tenant plus, je descendis un soir l'échelle 4 à 4, et j'allai me blottir derrière la porte de Fledermaus pour surprendre son fatal secret. Dès lors, il ne passa plus un jour que je ne fusse en route, suivant la vieille, l'épiant, ne la perdant pas de vue. Mais elle était si rusée, elle avait le flair tellement subtil, que sans même tourner la tête, elle me devinait derrière elle et me savait à ses trousses. Du reste, elle feignait de ne pas s'en apercevoir. Elle allait au marché, à la boucherie, comme une simple bonne femme. Seulement, elle hâtait le pas et murmurait des paroles confuses. Au bout d'un mois, je vis qu'il me serait impossible d'atteindre à mon but par ce moyen, et cette conviction me rendit d'une tristesse inexprimable. « Que faire ? » me disais-je. « La vieille devine mes projets, elle se tient sur ses gardes. Tout m'abandonne, tout ! Oh, vieille scélérate, tu crois déjà me voir au bout de la ficelle ?» À force de me poser cette question, « Que faire ? Que faire ?» une idée lumineuse frappa mon esprit. Ma chambre dominait la maison de Fledermaus, mais n'y avait pas de lucarne de ce côté. Je soulevai légèrement une ardoise, et l'on ne saurait se peindre ma joie quand je vis toute l'antique masure à découvert. « Enfin je te tiens !» m'écriai-je. « Tu ne peux m'échapper. D'ici, je verrai tout. Tes allées, tes venues, les habitudes de la fouine dans sa tanière. Tu ne soupçonneras pas cet œil invisible, cet œil qui surprend le crime au moment d'éclore. » Oh, la justice! Elle marche lentement, mais elle arrive! Rien de sinistre comme ce repère vu de là. Une cour profonde, à large dalmoussue, dans l'un des angles, un puits, dont l'eau croupissante faisait peur à voir. Un escalier en jonquille. Au fond, une galerie à rampe de bois. Sur la balustrade, du vieux linge, la tête d'une paillasse. Au premier étage, à gauche, la pierre d'un égout indiquant la cuisine. À droite, les hautes fenêtres du bâtiment donnant sur la rue, quelques pots de fleurs desséchées, tout cela sombre, lézardé et humide. Le soleil ne pénétrait qu'une heure ou deux par jour au fond de ce cloque, mais l'ombre remontait. La lumière se découpait en losanges sur les murailles décrépites, sur le balcon vermoulu, sur les vitres ternes. Des tourbillons d'automne voltigeaient dans des rayons d'or que n'agitait pas un souffle. Oh! C'était bien l'asile de Fledermaus. Elle devait s'y plaire. Je terminai à peine ces réflexions que la vieille entra. Elle revenait du marché. J'entendis sa lourde porte grincer. Puis Fledermaus parut avec son panier. Elle paraissait fatiguée, hors d'haleine. Les franges de son bonnet lui pendaient sur le nez. Se cramponnant d'une main à la rampe, elle gravit l'escalier. Il faisait une chaleur suffocante. C'était précisément un de ces jours où tous les insectes, les grillons, les araignées, les moustiques, remplissent les vieilles masures de leurs bruits de râpe et de tarières souterraines. Fledermaus traversa lentement la galerie, comme un furet qui se sent chez lui. Elle resta plus d'un quart d'heure dans la cuisine, puis revint étendre son linge et donner un coup de balai sur les marches, où traînaient quelques brins de paille. Enfin, elle leva la tête, et se mit à parcourir de ses yeux verts le tour du toit, cherchant, furetant du regard. Par quelle étrange intuition soupçonnait-elle quelque chose ? Je ne sais, mais j'abaissai doucement l'ardoise et je renonçai à faire le guet ce jour-là. Le lendemain, Fledermaus paraissait rassuré. Un angle de lumière se déchiquetait dans la galerie. En passant, elle prit une mouche au vol et la présenta, délicatement, à une araignée établie dans l'angle du toit. L'araignée était si grosse que, malgré la distance, je la vis descendre d'échelon en échelon, puis glisser le long d'un fil, comme une goutte de venin, saisir sa proie entre les mains de la mégère et remonter rapidement. Alors la vieille regarda fort attentivement, ses yeux se fermèrent à demi, elle éternua et se dit à elle-même d'un ton railleur « Dieu vous bénisse, la belle! Dieu vous bénisse !» Durant 6 semaines, je ne pus rien découvrir touchant la puissance de Fledermaus. Tantôt assise sous l'échoppe, elle pelait des pommes de terre. Tantôt elle étendait son linge sur la balustrade. Je la vis filer quelquefois, mais jamais elle ne chantait, comme c'est la coutume des vieilles bonnes femmes dont la voix chevrotante se marie si bien au bourdonnement du rouet. Le silence régnait autour d'elle. Elle n'avait pas de chat, cette société favorite des vieilles filles. Pas un moineau ne venait se poser sur ses chenaux. Les pigeons, en passant au-dessus de la cour, semblaient étendre l'aile avec plus d'élan. On aurait dit que tout avait peur de son regard. L'araignée seule se plaisait dans sa compagnie. Je ne conçois pas ma patience durant ces longues heures d'observation. Rien ne me laissait, rien ne m'était indifférent. Au moindre bruit, je soulevais l'ardoise. C'était une curiosité sans bornes, stimulée par une crainte indéfinissable. Toubac se plaignait. « Maître Christian, me disait-il, à quoi diable passez-vous votre temps? Autrefois, vous me donniez quelque chose toutes les semaines. À présent, c'est à peine tous les mois. Oh, les peintres, on a bien raison de dire, paresseux comme un peintre. Aussitôt qu'ils ont quelques kreutzer devant eux, ils mettent les mains dans leurs poches et s'endorment. » Je commençais moi-même à perdre courage. J'avais beau regarder, épier, je ne découvrais rien d'extraordinaire. J'en étais à me dire que la vieille pouvait bien n'être pas si dangereuse, que je lui faisais peut-être tort de la soupçonner. Bref, je lui cherchais des excuses. Mais un beau soir que, l'œil à mon trou, je m'abandonnais à ces réflexions bénévoles, la scène changea brusquement. Fledermaus passa sur la galerie avec la rapidité de l'éclair. Elle n'était plus la même. Elle était droite, les mâchoires serrées, le regard fixe, le cou tendu. Elle faisait de grands pas. Ses cheveux gris flottaient derrière elle. « Oh oh, me dis-je, il se passe quelque chose, attention !» Mais les ombres descendirent sur cette grande demeure, les bruits de la ville expirèrent, le silence s'établit. J'allais m'étendre sur ma couche quand, jetant les yeux par la lucarne, je vis la fenêtre en face allumée. Un voyageur occupait la chambre du pendu. Alors, toutes mes craintes se réveillèrent. L'agitation de Fledermaus s'expliquait. Elle flairait une victime. Je ne pus dormir de la nuit. Le froissement de la paille, le grignotement d'une souris sous le plancher me donnaient froid. Je me levai, je me perchai à la lucarne, j'écoutais. La lumière d'en face était éteinte. Dans l'un de ces moments d'anxiété poignante, soit illusion, soit réalité, je crus voir la vieille mégère qui regardait aussi et prêtait l'oreille. La nuit se passa, le jour vint grisonner mes vitres. Peu à peu, les bruits, les mouvements de la ville montèrent. Harassé de fatigue et d'émotion, je finis par m'endormir. Mais mon sommeil fut court. Dès 8 heures, j'avais repris mon poste d'observation. Il paraît que la nuit de Fledermaus n'avait pas été moins orageuse que la mienne. Lorsqu'elle poussa la porte de la galerie, une pâleur livide couvrait ses joues et sa nuque maigre. Elle n'avait que sa chemise et un jupon de laine. Quelques mèches de cheveux d'un gris roux tombaient sur ses épaules. Elle regarda de mon côté d'un air rêveur, mais elle ne vit rien. Elle pensait à autre chose. Tout à coup, elle descendit, laissant ses savates au haut de l'escalier. Elle allait sans doute s'assurer que la porte d'en bas était bien fermée. Je la vis remonter brusquement, enjambant 3 ou 4 marches à la fois. C'était effrayant. Elle s'élança dans la chambre voisine. J'entendis comme le bruit d'un gros coffre dont le couvert retombe. Puis Fledermaus apparut sur la galerie, traînant un mannequin derrière elle. Et ce mannequin avait les habits de l'étudiant de Heidelberg. La vieille, avec une dextérité surprenante, suspendit cet objet hideux à la poutre du hangar, puis elle descendit pour le contempler de la cour. Un éclat de rire saccadé s'échappa de sa poitrine. Elle remonta, descendit de nouveau comme une maniaque, et chaque fois poussant de nouveaux cris, de nouveaux éclats de rire. Un bruit se fit entendre à la porte. La vieille bondit, décrocha le mannequin, l'emporta, revint, et, penchée sur la balustrade, le cou allongé, les yeux étincelants, elle prêta l'oreille. Le bruit s'éloignait. Les muscles de sa face se détendirent, elle respira longuement. Une voiture venait de passer. La mégère avait eu peur. Alors elle rentra de nouveau dans la chambre et j'entendis le coffre qui se refermait. Cette scène bizarre confondait toutes mes idées. Que signifiait ce mannequin? Je devins plus attentif que jamais. Fledermaus venait de sortir avec son panier. Je la suivis des yeux jusqu'au détour de la rue. Elle avait repris son air de vieillotte tremblante. Elle faisait de petits pas et tournait de temps en temps à la tête à demi pour voir derrière elle du coin de l'œil. Pendant 5 grandes heures, elle resta dehors. Moi, j'allais, je venais, je méditais. Le temps m'était insupportable. Le soleil chauffait les ardoises et m'embrasait le cerveau. Je vis à la fenêtre le brave homme qui occupait la chambre des trois pendus. C'était un bon paysan de la forêt noire, à grand tricorne, à gilet écarlate, la figure riante épanouie. Il fumait tranquillement sa pipe d'ulme, sans douter de rien. J'avais envie de lui crier « Brave homme, prenez garde, ne vous laissez pas fasciner par la vieille, défiez-vous !» Mais il ne m'aurait pas compris. Vers 2 heures, Fledermaus rentra. Le bruit de sa porte retentit au fond du vestibule. Puis, seule, bien seule, elle parut dans la cour et s'assit sur la marche inférieure de l'escalier. Elle déposa son grand panier devant elle et en tira d'abord quelques paquets d'herbages, quelques légumes, puis un gilet rouge, puis un tricorne replié, une veste de velours brun, des culottes de peluche, une paire de gros bas de laine. Tout le costume d'un paysan de la forêt noire. J'eus comme des éblouissements, des flammes me passèrent devant les yeux. Je me rappelais ces précipices qui vous attirent avec une puissance irrésistible, ces puits qu'il a fallu combler parce qu'on s'y précipitait, ces arbres qu'il a fallu abattre parce qu'on s'y pendait, cette contagion de suicides, de meurtres, de vols à certaines époques, par des moyens déterminés. Cet entraînement bizarre de l'exemple qui fait bâiller parce qu'on voit bâiller, souffrir parce qu'on voit souffrir, se tuer parce que d'autres se tuent, et mes cheveux se dressèrent d'épouvante. Comment Fledermaus, cette créature sordide, avait-elle pu deviner une loi si profonde de la nature? Comment avait-elle trouvé moyen de l'exploiter au profit de ses instincts sanguinaires? Voilà ce que je ne pouvais comprendre. Voilà ce qui dépassait toute mon imagination. Mais sans réfléchir davantage à ce mystère, je résolus aussitôt de tourner la loi fatale contre elle et d'attirer la vieille dans son propre piège. Tant d'innocentes victimes crieraient vengeance. Je me mis donc en route. Je courus chez tous les fripiers de Nuremberg et le soir j'arrivai à l'auberge des Trois Pendus, un énorme paquet sous le bras. Nickelschmidt me connaissait d'assez longue date. J'avais fait le portrait de sa femme, une grosse commère fort appétissante. « Hé, maître Christian ! » s'écria-t-il en me secouant la main. « Quelle heureuse circonstance vous ramène ! Qu'est-ce qui me procure le plaisir de vous voir ?»« Mon cher monsieur Schmidt, j'éprouve un véhément désir de passer la nuit dans cette chambre. » Nous étions sur le seuil de l'auberge et je lui montrai la chambre verte. Le brave homme me regarda d'un air défiant. « Oh, ne craignez rien, lui dis-je, je n'ai pas envie de me pendre. »« à la bonne heure, car franchement, ça me ferait de la peine, un artiste de votre mérite. »« Et pour quand voulez-vous cette chambre, maître Christian ?»« Pour ce soir. »« C'est impossible, elle est occupée. »« Monsieur peut y entrer tout de suite, » fit une voix derrière nous, « je n'y tiens pas. » Nous nous retournâmes, tout surpris. C'était le paysan de la forêt noire, son grand tricorne sur la nuque, et son paquet au bout de son bâton de voyage. Il venait d'apprendre l'aventure des Trois Pendus et tremblait de colère. « Des chambres comme les vôtres » s'écria-t-il en bégayant. « Mais, c'est un meurtre, » dit maître les gens. « C'est un assassinat. Vous mériteriez d'aller aux galères. »« Allons, calmez-vous, » dit l'aubergiste. « Cela ne vous a pas empêché de bien dormir. » Par bonheur, j'avais fait ma prière du soir, s'écria l'autre. Sans cela, où serais-je? Où serais-je? Et il s'éloigna en levant les mains au ciel. Eh bien, dit maître Schmitt, stupéfait, la chambre est libre. Mais n'allez pas me jouer un mauvais tour. Il serait plus mauvais pour moi, mon cher voisin. Je remis mon paquet à la servante, et je m'installai provisoirement avec les buveurs. Depuis longtemps, je ne m'étais senti plus calme, plus heureux d'être au monde. Après tant d'inquiétudes, je touchais au but. L'horizon semblait s'éclaircir. Et puis, je ne sais quelle puissance formidable me donnait la main. J'allumai ma pipe, et le coude sur la table, en face d'une chope, j'écoutais le chœur de Freischutz, exécuté par une troupe de Zigeuner du Schwarzwald. La trompette, le cor de chasse, le hautbois, me plongeaient tour à tour dans une vague rêverie. Et parfois, m'éveillant pour regarder l'heure, je me demandais sérieusement si tout ce qui m'arrivait n'était pas un songe. Mais quand le watchman vint nous prier d'évacuer la salle, d'autres pensées plus graves surgirent dans mon âme, et je suivis, tout méditatif, la petite Charlotte qui me précédait, une chandelle à la main.